Chant numéro 30. Lorsque la sixième heure erre à 6 000 milles plus ou moins de distance, et que de notre monde l'ombre penche déjà sur son lit allongé, le centre de la voûte, au point le plus profond pour nos yeux, devient tel que certaines étoiles ne se laissent plus voir au bas-fond où nous sommes. Et aussitôt qu'on voit l'esclave lumineuse du soleil se montrer, le ciel paraît éteindre ses flambeaux tour à tour, jusqu'au plus beau de tous. De la même façon, la danse triomphale, tournant autour du point qui m'avait ébloui et semblait contenir celui qui la contient, s'éteignit sous mes yeux presque insensiblement. Et l'amour et le fait de ne rien voir me firent, comme toujours, tourner mes yeux vers Béatrice. Si tout ce que j'ai dit sur elle jusqu'ici pouvait s'amalgamer et faire un seul éloge, cela serait trop peu pour remplir cet office. La beauté que je vis en elle outrepassait ce que nous concevons, et je crois plus encore que son seul Créateur la possède en entier. Sur ce point, je confesse avoir été vaincu plus qu'aucun autre auteur, soit comique ou tragique, ne l'a jamais été par un aspect du thème. Car comme le soleil offusque le regard, ainsi le souvenir de son sourire heureux me prive en cet instant du secours de l'esprit. Depuis le premier jour où j'ai vu son visage dans le monde mortel, et jusqu'en cet instant, rien n'a pu m'empêcher de poursuivre mon chant. Mais il faut à présent que je mette une fin aux efforts que j'ai faits pour chanter sa beauté, puisque même notre art reconnaît des limites. Telle que je la laisse à des voix plus sonores que mon pauvre clairon, qui s'apprête lui-même à mettre fin bientôt au sujet trop ardu, elle recommença, sur le ton décidé d'un vrai chef. Maintenant nous venons de sortir du plus grand corps au ciel fait de pure lumière, lumière de l'esprit que l'amour entretient, amour du bien réel tout rempli d'allégresse. Allégresse au-dessus de toutes les douceurs. Tu pourras voir ici l'une et l'autre ministre du paradis, dont l'une a déjà l'apparence que tu reconnaîtras au dernier jugement. Comme un éclair s'allume à l'improviste et blesse les esprits de la vue, empêchant le regard de percevoir encore d'autres objets brillants, cette vive clarté m'avait paralysé, sa fulguration ayant mis sur mes yeux comme un épais bandeau qui me rendait aveugle. L'amour qui fait toujours la paix de ce royaume accueille dans son sein par ce même salut, préparant la chandelle à recevoir sa flamme. Ces brefs propos étaient à peine parvenus jusqu'à moi, qu'aussitôt je pus me rendre compte que je me surpassais au-delà de mes forces. Dans mes yeux s'allumait une seconde vue, telle qu'aucun éclat, pour lumineux qu'il fût, ne pouvait désormais arrêter mon regard. Je vis une splendeur en forme de torrent, éclatant de clarté, serrée dans ses deux rives, qu'un printemps merveilleux émaillait de partout. Des flots, je vis jaillir de vives étincelles qui de tous les côtés se posaient sur les fleurs et semblaient des rubis enchâssés dans de l'or. Ensuite, paraissant de parfums enivrés, elles allaient plonger dans le gouffre admirable. Et dès que l'une entrait, une autre en jaillissait. Cet intense désir qui t'enflamme et te presse si fort de pénétrer tout ce que tu contemples m'enchante d'autant plus qu'il devient plus puissant. Mais il faut de cette eau que tu boives encore si tu veux que ta soif puisse enfin s'apaiser. C'est ainsi que parla le soleil de mes yeux. Elle ajouta: le fleuve, ainsi que les topazes qui font ce va-et-vient, le sourire de l'herbe, ne sont que la préface et l'ombre de leur vrai. Ce n'est pas que cela soit trop dur à comprendre. Il s'agit d'un défaut dont la source est en toi, qui n'a pas encore l'œil superbe qu'il faudrait. L'enfant ne tourne pas aussi rapidement vers le sein maternel sa face, le matin, lorsqu'il s'est éveillé plus tard que de coutume, que je me tournais pour faire de mes yeux un miroir plus fidèle, en me penchant sur l'onde qui s'épanche là-haut pour nous rendre meilleurs. Et sitôt que le bord de mes paupières vint se baigner dans ces eaux, je crus m'apercevoir que ce que j'avais pris pour longueur était rond. Puis, comme on voit quelqu'un qui demeurait masqué se montrer différent, sitôt qu'il se dépouille de l'aspect étranger qui nous donnait le change, les fleurs avaient changé, comme les étincelles, en un bonheur plus grand. Et je vis tout à coup s'étaler sous mes yeux la double cour du ciel. Ô toi, splendeur de Dieu, qui m'a permis de voir le triomphe éternel du royaume du vrai, fais-le-moi raconter tel que je l'ai connu. Il est une clarté là-haut qui rend visible le Créateur lui-même à toute créature dont le bonheur consiste à contempler sa face. Cette clarté s'étale et forme comme un cercle, se déroulant si loin que sa circonférence serait pour le soleil une ceinture lâche. Tout ce qu'on peut en voir est formé de rayons qui baignent le sommet du mobile premier et lui donnent ainsi la vie et la puissance. Et de même qu'un mont se mire dans les eaux qui coulent à ses pieds pour y voir sa parure, alors qu'il est plus riche en verdure et en fleurs, tel je vis, dominant tout autour cet éclat, s'immirer longuement, du haut de 1000 marches, tous ceux qui d'entre nous ont fait retour là-haut. Et puisque le gradin le plus bas circonscrit un si vaste foyer, quelle ne doit pas être l'ampleur de cette rose au bord de ses pétales? Mes yeux ne perdaient rien de toute cette ampleur, ni de son profondeur, mais embrassaient très bien de ses félicités l'étendue et le mode. Là, d'être près ou loin n'ajoute ni n'enlève, car lorsque Dieu gouverne immédiatement, les lois de la nature ont perdu leur pouvoir. Dans le centre doré de la rose éternelle, qui s'étale et s'étage, exhale un parfum de louange au soleil du printemps éternel, pareil à qui se tait tout en voulant parler, m'attira Béatrice en me disant: regarde comme il est grand le cœur de ces blanches étoiles. Tu vois le tour qu'ici comprend notre cité, et nos sièges, tu vois, sont déjà si remplis qu'il reste peu de place à ceux que l'on attend. Et quant à ce grand siège où ton regard s'arrête, parce qu'il est déjà marqué d'une couronne avant qu'on ne t'invite à ses noces toi-même, il doit recevoir l'âme auguste sur la terre de Henri, qui viendra redresser l'Italie, mais il doit arriver avant qu'elle soit prête. L'aveugle convoitise, en vous rendant stupide, vous pousse à réagir comme certains enfants, qui, tout en ayant faim, repoussent leur nourrice. Le tribunal divin, alors, aura pour préfet un tel qui n'ira point sur le même chemin que lui, tant en secret qu'au-dessus de tout le monde. Mais il ne sera plus supporté longuement par Dieu dans son office. Il descendra bientôt où la justice a fait tomber Simon le mage, et celui d'Anani s'enfoncera d'autant.